Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver. Pour certains qui font un long trajet, ont voyagé, sont revenus. Et bienvenue à Sarah. Bien, il y a des nouvelles anciennes. Ok. Et aussi pour nos frères et sœurs qui étaient allés au Rodara pour la cérémonie d'inhumation du pasteur Jérémy, nous disons bienvenue à eux. Ce matin, avant de commencer, je voudrais que nous prions pour Jérémy. Pas pour Jérémy seul, mais pour Philippe aussi. Philippe a dit qu'il est de passage, mais il ne nous a pas dit pourquoi il est de passage. Philippe est venu pour chercher un visa pour la France parce qu'il doit faire des études en droit. Donc, nous allons demander à ces deux de se tenir debout, Jérémy et Philippe, et nous allons prier pour eux. Jérémy quitte pour aller rester loin, comme certains, comme Pascal et Moumouni, pour des études. Donc, il faut que nous pensions toujours à ces gens, et surtout que lui, il a une partie de sa famille là, n'est-ce pas? J'espère que tu sais bien faire la cuisine, hein? Je t'avais déjà prévenu. Ok. Donc, on va prier pour eux. Je crois que M. Philippe, c'est réglé, ou bien il y a encore quelque chose qui reste. Il y a un petit truc qui reste. Parce que pour son séjour, je crois qu'on demandait une certaine petite garantie avant que l'école ne le prenne en charge. Donc, il faut qu'il trouve quelqu'un chez qui loger le temps que cela arrive. Mais nous venons d'écouter le chant des femmes. Kana miri fesila, kana hami, c'est ça? Andula, ça veut dire quoi? Ne pense pas, ne t'inquiète pas. Bon, si Dieu connaît tous ces détails, nous n'allons pas nous inquiéter. Donc nous allons confier cela au Seigneur, et même que lui aussi doit se retrouver dans une réalité qu'il ne connaît pas. N'est-ce pas? Tu vas goûter probablement le froid et toutes ces choses-là. Donc nous allons demander à Dieu de s'occuper d'eux, pour de leur donner la sagesse nécessaire pour leurs études, de leur donner la protection nécessaire et qu'ils soient attachés à Dieu. Parce que quand on va chercher la connaissance, il ne faut pas oublier Dieu parce que c'est lui qui est au début et à la fin. On va ensemble prier pour eux. Prions ensemble pour eux. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous te bénissons parce que Seigneur, tu nous donnes cette grâce de penser à nos deux frères, Jérémy et Philippe. Oui, Seigneur, tu les connais et tu connais tout ce dont ils ont besoin et tout ce qui les attend de l'autre côté. Parce que Seigneur, nous avons écouté ce chant qui nous dit de ne pas nous inquiéter et de ne point nous soucier car tu peux tout faire et tu as tout. C'est pourquoi je te confie la situation de Philippe, que tu règles toi-même les petits détails qui restent et que pour son séjour, son départ, Père, que tu sois au contrôle de toutes choses. Je voudrais te confier Jérémy aussi, ce trajet qu'il fera avec son père. Que Père, toi-même, tu prennes soin de tous les détails. Que le lieu où il ira loger, les études qu'il aura à faire, que Père, tu lui donnes la sagesse nécessaire. Et que Père, pendant qu'il fait ses études, qu'il soit encore attaché à toi. Veille sur lui, Seigneur. Merci de ce que tu nous as écouté. Et merci de ce que, Seigneur, lorsqu'ils seront là-bas, nous aurons des informations qui nous réjouissent, qui nous montrent que, Seigneur, oui, tu es avec eux. Merci pour ta bonté. Merci de les accompagner. Que ta bénédiction soit avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu fidèle. Pendant que les femmes chantaient, j'ai dit, est-ce qu'on a besoin encore de parler? Parce que ce chant, c'est un message tout entier. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de comment soutenir cette mission suprême qui exige des moyens financiers. Et nous, en tant que faisant partie de cette maison, dans le champ de Dieu, qui a des besoins, comment est-ce que nous devons intervenir? Je crois que j'avais commencé la première partie au culte, et ensuite, ceux qui sont restés pour la suite, nous avons continué. Et ce matin, je voulais clore cela. Parce que, vous voyez, Dieu a besoin effectivement que les gens s'investissent dans son champ et s'investissent de la bonne manière. Si certains se rappellent un peu de ce que nous avons dit la dernière fois. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Vous êtes déjà en vacances, c'est vrai. Mais je vous ai dit que, en principe, on doit pouvoir faire des contrôles. S'assurer que les gens ont retenu. Oui, quelqu'un se rappelle de quelque chose dont nous avons parlé le dimanche? Ou bien vous avez tout noyé? Dimanche aujourd'hui, ça fait tout juste combien de jours? Vous n'allez pas dire au pasteur que vous avez tout noyé? Hein? Bon, ceux qui n'étaient pas là, eux, ils ne peuvent pas savoir, mais ceux qui étaient là, ceux et celles qui étaient là. Mes soeurs, vous êtes rentrés tout juste à côté, hein? Comme notre frère Bachirou. Lui, il a la chance qu'il a sa chambre à côté. Si c'est quelqu'un d'autre, si vous avez laissé ça loin, vous allez aller comment? Bon, vous venez pas aller loin. Moi, j'ai prêché ici, vous êtes rentrés chez vous. Zaga, rien n'est resté? Dites quelque chose quand même. Oui, vous rappelez de quelque chose? Oui, Winnie veut dire quelque chose. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir, oui. Quelqu'un d'autre ajoute? Est-ce qu'on donne comme ça? On donne n'importe comment. J'ai dit que Dieu ne regarde pas souvent à quoi? À la quantité que vous donnez, mais il regarde à la manière dont vous donnez. Je crois que nous tous, nous, comprenons cela. Si on vient, on vous donne quelque chose, à la va-vite, finalement, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu tient compte et il a dit de donner sans tristesse et sans contrainte, c'est ça. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Et je vous ai dit que Dieu avait des principes qui sont différents de nos principes. Quelqu'un peut nous rappeler un peu ce principe-là? Est-ce que ces principes sont comme les nôtres? Un de ces principes, il a dit, aimer même vos ennemis. Ça, c'est un de ses principes, non? Et d'en donner aussi, il a un principe. Ce principe, c'est lequel? Oui? Oui, et puis, quand vous donnez, il y a quoi? Si c'est pour nous, notre principe est que si tu donnes, ça diminue. C'est ça, non? Lui, il dit quoi? Lorsque vous donnez, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ajoute. Et je vais vous lire un peu l'histoire d'un philanthrope. Vous faites du français, vous savez ce que c'est qu'un philanthrope, n'est-ce pas? C'est qui? Quand on dit un philanthrope, c'est quelqu'un qui donne et la plupart du temps, il en a suffisamment. Et il donne pour soulager les gens qui sont dans la misère. Il ne cherche même pas à comprendre souvent, quelquefois. On dit qu'il y a un problème ici. Il plonge la main, il donne. Voilà. Donc voilà ce que un philanthrope a dit. Quelqu'un a demandé à ce philanthrope-là, a posé une question. Comment se fait-il que vous donnez beaucoup, mais vous restez encore avec beaucoup? Le principe humain, c'est quoi? Quand on donne beaucoup, il ne doit plus rester beaucoup. C'est ça? Ça, c'est le principe humain. On a posé cette question. Pourquoi il donne beaucoup? Il y a encore beaucoup. Écoutez sa réponse. Est-ce que quelqu'un peut imaginer un peu sa réponse? Il va dire quoi? Il a une réponse qu'il a donnée qui est merveilleuse. Voilà ce qu'il a dit. Je suppose que c'est ainsi, répondit-il. Je déverse dehors et Dieu déverse à l'intérieur. Et il continue. Il a une plus grande pellette que moi. Vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Qu'est-ce que lui, il fait? Lui, il dit, il déverse dehors. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu déverse à l'intérieur. Mais la pelle que Dieu utilise pour déverser à l'intérieur est plus grande que lui, sa pelle. Donc, vous voyez, il ne peut pas ne pas avoir beaucoup toujours dedans. Et ça, c'est le principe de Dieu. Paul a bien dit, celui qui sème peu, fait quoi? Moissonne peu. Ça, c'est la logique. Mais malgré cela, quand vous regardez, vous mettez une graine, ça donne combien d'épis? Mais si vous mettez beaucoup de graines, donc celui qui sème beaucoup, il va moissonner beaucoup. Et un des principes de Dieu, c'est lequel? Lorsque vous donnez avec joie et vraiment de tout votre cœur, Dieu vous donne au-delà de ce que vous attendez. C'est ce que le philanthrope fait. Il dit, lui, il verse à l'extérieur, mais Dieu déverse à l'intérieur. Et c'est ce que Dieu veut. Cependant, on a des difficultés. Et je comprends ces difficultés-là arrivent souvent. Regardez l'exemple d'un enfant qu'un papa porte. Il marche, arrivé à un certain moment, il y a la boue, ça va glisser. Qu'est-ce que papa fait? Il soulève l'enfant. Et quand vous êtes dans ses mains, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez peur? Vous ne regardez même pas que papa même peut glisser aussi, tomber avec vous. On ne pense jamais à ça. Parce que lui, il est solide. Et puis vous êtes en sécurité. Bien. Est-ce qu'en tant que chrétien, souvent nous nous rendons compte que dans la main de Dieu, nous sommes en sécurité? Ou bien est-ce qu'on se rend compte qu'on est même dans sa main? Voilà la question que je pose. Est-ce que tout le monde est souvent conscient qu'il est dans la main de Dieu? Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans la main de Dieu, vous oubliez rapidement tout ce que nous avons dit la dernière fois. En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes des intendants de tous les biens que nous avons avec nous. Même notre vie ne dépend pas de nous, n'est-ce pas? Et nous avons dit qu'un intendant n'est qu'un simple gérant. Parce que ce qui est dans vos mains, ça ne vous appartient pas. Si vous êtes un intendant, vous devez rendre compte à qui? À celui qui vous a donné cette intendance-là. Et si vous êtes un intendant, vous devez être fidèle. Parce que si vous n'êtes pas un intendant fidèle, vous allez avoir des ennuis. N'est-ce pas? Si vous détournez, vous avez bouffé, vous avez jeté sans compter, le jour où on devra faire rendre compte, ça vous pose problème. Nous avons dit également que celui qui donne avec joie, il a une intimité avec Dieu. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, comment est-ce que vous allez pouvoir marcher avec Dieu? Nous avons également donné un certain nombre de principes à propos de comment on donne et surtout de ce que nous avons en retour. Ce matin, je vais parler de la provision de Dieu à tous nos besoins. Cette provision à tous nos besoins. Il n'a pas une limite. C'est tout ce qui nous concerne. Notre problème en tant que chrétien, c'est lorsque nous avons demandé que nous n'avons pas reçu, nous sommes mécontents. Et il y a un célèbre américain qui a composé un cantique. Et je crois que ce cantique, dans ce cantique, il dit « Merci à Dieu pour mes prières non exaucées. » C'est difficile à comprendre, hein? Que quelqu'un dise « Merci à Dieu pour mes prières non exaucées. » Nous voulons tous que nos prières soient exaucées, n'est-ce pas? Je veux et j'attends que Dieu me donne. Mais quand Dieu ne me donne pas, est-ce que c'est facile de me retourner et puis aller dire merci? Merci Dieu, parce que tu ne m'as pas donné. Mais je veux qu'on prenne des exemples concrets dans nos vies. Mon épouse expliquait une expérience amère que sa voisine a eue un jour. Vous regardez souvent ces femmes avec la bouche, c'est tout noir. Vous pensez qu'on fait comment? Il y a quelque chose et puis on noircit seulement. Est-ce que c'est comme ça? On fait quoi? Oui, Poulain, tu as une idée? Tu as déjà vu comment on fait? On t'a dit. Oui, Philippe, tu peux nous aider? On attache des aiguilles. Un peu comme ça. Oui. Simplement comme ça, sans rien mettre? Oui. Voilà. Ce produit pour noircir, là, c'est quoi? Tu ne sais pas de quoi il s'agit? Les femmes, là, aidez-moi. Les demoiselles, là, peuvent m'aider. Elles savent. Parce que c'est souvent elles qui acceptent faire ça. Oui. Les dames de derrière, là, vous ne savez pas quel est le produit qu'on met? Pas du tout. Vous voulez que le pasteur vous dise? C'est du bleu. Oui. voilà le bleu là, le bleu qu'on utilise pour mettre dans pour que les habits aient une couleur, voilà, c'est ça concentré. Bon, vous voyez déjà chimiquement, elle ne sait même pas ce que ça contient et ce que ça peut faire. Donc, pendant qu'on pique ces choses, disons, il y a soit la gencive ou bien les lèvres. Donc, sa maman lui avait dit de ne pas faire. Elle s'est cachée. Elle allait faire. Et puis, ses lèvres sont gonflées. Elle a souffert. Elle a failli mourir. Est-ce que la maman, elle va s'occuper d'elle? Non. La maman a prévenu, tu as fait, ça te regarde. Donc, son grand frère qui l'a aidé. Et elle a dit, plus jamais elle va faire ça. Vous avez vu? Plus jamais elle va désobéir à sa mère quand elle va lui dire de ne pas faire quelque chose. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé en tant qu'enfant? Vous avez voulu faire quelque chose, papa ou bien maman a dit non. Vous rentrez fâché dans votre chambre, vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Il est méchant ce type-là, ou bien il est méchant cette femme-là. On ne dit même pas maman, hein? Elle est méchante cette femme-là. Et puis vous grondez, et puis vous vous asseyez. Et on vient vous dire, le soir, ah, tu n'es pas au courant? La sortie des enfants là, voilà ce qui est arrivé. Il a eu un problème. Et puis, vous dites quoi? Donc si j'étais là, moi aussi j'allais être dans le problème. Vous avez vu cette méchante femme là, vous a empêché de rentrer dans le problème. Ce papa méchant vous a évité la douleur. Ça arrive. Ne fais pas, on n'est pas d'accord, on tient à faire. Voilà le résultat, l'explication des prières non exaucées. Et cet Américain a fait ce chant parce qu'il voulait une femme. Et lui, il avait déjà ciblé. C'est elle là. Et il a dit, Dieu, c'est elle. Ça n'a pas marché. Il était très fâché. Bon, il a dû dans sa colère gémir, verser des larmes et dire, vraiment, je ne comprends pas Dieu. Et puis, après ça, c'est une autre femme. Et quand il s'assoit, il voit ce que cette femme-là a fait dans sa vie. Comment elle le soutient pendant qu'il est souffrant. Comment cette dame est prête à tout pour lui. Il a dit, je remercie Dieu pour cette femme qui m'a donné, mais il faut que je lui dise merci pour l'autre qui ne m'a pas donné. Vous avez vu? Lui, il est reconnaissant. Je le remercie pour cette prière exaucée, mais pour l'autre aussi. Parce que si l'autre était exaucée, est-ce qu'elle allait être la même? Ce n'était pas sûr. Dieu sait ce qui est bien pour nous, n'est-ce pas? Quand on lui demande, il refuse de donner. Ne faisons pas comme des enfants gâtés. Ne chitons pas tout le monde. Ne nous fâchons pas et puis chiter même le chien qui n'a rien à voir dedans. Non. Disons merci à Dieu parce que lui, il sait ce qui est bien pour nous. Et nos besoins, il pourvoira à tous nos besoins. Le dimanche passé, je vous ai dit également que un des problèmes que nous avons en tant que chrétiens, c'est que souvent, nous pouvons être, nos biens peuvent être comme des idoles pour nous. C'est pas cela? Vous n'avez jamais vu quelqu'un dont les biens sont l'idole? Oui. Il faut éviter que ces biens que Dieu nous confie ne deviennent des idoles. La première année que j'ai faite à Dédougou, quand j'étais à l'église, il y a cet organisme chrétien, ils ont changé le nom, sinon avant c'était Accédès, aujourd'hui c'est Accédé. Ils avaient la possibilité de soutenir les gens avec des crédits. Donc ils sont venus à l'église et ils ont dit aux dames, bon, on peut vous octroyer des crédits pour que vous puissiez faire de petits commerces et puis ça va vous aider. Et puis tout le monde s'est jeté dedans. Je vous assure, tout le monde. Bon, ma femme à l'époque ne s'était pas donnée au Seigneur, elle ne venait pas à l'église avec nous, donc elle n'était pas conservée, elle n'est pas venue. Donc toutes les autres, tout le monde, on a dit allons-y. Tout le monde s'est jeté. Les gens ont pris les crédits. C'était bien, non? Ou bien, Rosalie, on donne de l'argent pour que vous puissiez aller faire du commerce et puis vous allez pouvoir gagner quelque chose et puis rembourser et puis vous continuez votre vie. Mais, je dis à un mais, les gens n'ont pas regardé à ce qui pouvait venir derrière. pour faire le commerce, il faut aller le jour du marché, acheter ce qui est moins cher ou en gros. Et puis, en dehors du jour du marché, vous allez vendre et vous avez des intérêts, non? C'est ça? Ok. Or, la plupart du temps, les marchés, c'était les dimanches. Vous avez vu le problème? Les marchés, presque tous les coins, les petits villages, les marchés, c'est des dimanches. Bon, vous avez pris l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez acheter, il faut que vous allez le dimanche. Mais si vous allez le dimanche au marché, c'est pas à côté. Est-ce que vous allez pouvoir faire le culte? Ceux qui ont déjà fait les achats au marché, là, les femmes, là, c'est pas très tôt on va. En ce moment, c'est gros. On achète parce que celles qui achètent, il y a certaines qui achètent tout de suite, gros, et puis elles s'asseyent à côté, elles diminuent, et puis elles vendent. Si le soleil monte, vous venez trouver que ce sont celles-là qui sont là. Quel intérêt? Pas du tout. Donc les dames se sont jetées dans le commerce. Et puis, dimanche, elles n'ont même plus le temps de venir aux rencontres des femmes. La chorale, le culte, rien. Vous avez vu? Doucement. Et puis, elles n'arrivent plus à payer. Elles ont peur de venir à l'église pour qu'on demande. C'est fini. Elles sont parties. Certains maris viennent, on dit, et quand nous sommes là, on dit, attends alors. Dimanche, quelle est ta femme là? Elle est partie au marché. Que j'ai parlé en vain, je ne peux plus rien dire. Et après, elles n'ont plus le courage de venir. Vous avez vu les biens qui sont devenus un piège pour ces gens. Et il faut tout faire pour payer. Et on sacrifie tout. Mais est-ce qu'on arrive à payer? Non. Elles ont fini par abandonner la foi. Voilà quelque chose qui était venu pour aider. Finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ça a amené des problèmes. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas à l'abri de tout cela. En tant que gestionnaire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je voudrais que nous lisons un petit texte qui va nous aider à comprendre cela. Je voudrais que quelqu'un... nous allons dans Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 3. Quelqu'un a trouvé dans la version français courant? Ou bien personne en français courant? Philippe a français courant? Moi, j'ai lu second. Tu as lu second? Bon, Ali a français courant. Ça, c'est la version du pasteur. Ok. Ali, tu peux lire cela pour nous? Verset 1 à 3. Hébreux 4, 1 à 3. Donc, Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Hébreux 4, oui, vas-y. Vas-y. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve à avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Merci. C'est la fin du verset 2. Ok, merci. L'auteur, à travers ce que l'auteur dit, qu'est-ce qu'il dit? Cette parole a été reçue par lui seul. Même les autres dont il parle qui ne se sont pas conformés à cela. Ça veut dire, les gens peuvent recevoir quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà toute la question. Dans la version du second que j'ai ici, le verset 2 dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » L'auteur ne se met pas à l'extérieur. Il s'inclut dans ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle-là. Et la deuxième partie du verset dit, « Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Voilà quelque chose d'important qu'ils ont reçu, mais elle n'a été d'aucun profit pour eux à cause simplement du fait qu'ils n'ont pas accepté cela. Elle dit, il ne s'est pas trouvé de la foi. Or, vous savez bien, on a dit que la foi, c'est en fait une ferme assurance. Et quand on parle de ferme assurance, je peux dire que c'est une confiance aveugle qu'on fait à quelque chose. la foi, une confiance aveugle. Ce Dieu dont nous parlons est ce Dieu qui nous donne toujours. Pourquoi avons-nous un manque de confiance lorsqu'il s'agit d'enlever ce qu'il nous a donné et de remettre? C'est en fait ça. Nous n'avons pas cette confiance comme cet enfant qui arrivait en ce lieu où il y a assez de boue, a été pris par papa ou bien maman. On continue toujours à avoir peur. Vous vous rappelez de l'exemple de ce monsieur avec son anniversaire qui était dans l'avion, mais il n'avait pas confiance. Quand on lui a demandé s'il a eu peur, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'a pas eu peur. Mais en réalité, il a dit quoi? C'est qu'il n'a pas senti son poids. Parce que bien que assis sur la chaise, lui, il a essayé de se... C'est comme s'il voulait lui-même être un peu plus léger. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est un manque de confiance. Est-ce que ce que Dieu nous donne, nous avons souvent confiance en lui lorsqu'il s'agit d'enlever encore et de remettre? Voilà la difficulté. Et ça, ce n'est pas vous seulement. En fait, c'est tout le monde. Je vous ai déjà donné mon témoignage à propos de la dîme. Comment la donner? Quand j'avais un salaire de 140 et quelques avant la dévaluation, c'était beaucoup d'argent. Mais quand j'enlevais 80 000, je donnais, je disais que c'est suffisant. Et puis je regardais dans l'église là, qui peut donner comme ça? Parce que moi, mon salaire était plus gros que tout le monde. Puis je me dis, bon, j'ai donné 80 000, c'est beaucoup. Et disons, les 8 000 que j'allais donner, je trouve, ah, ça c'est beaucoup. Dans 144 000, c'est combien on devait donner? 400, quelque chose de ce genre. Mais quand moi j'ai donné 8 000, j'ai regardé dans le lot là, je ne voyais pas quelqu'un qui pouvait donner 8 000. Il n'y en avait pas. Je me dis, bon, j'ai donné 8 000, c'est bon. Mais est-ce que c'est arrivé? Je pose la question, c'est arrivé? Non. Et j'ai eu l'expérience amère. Parce que je suis encore reparti pour travailler et on me payait 14 500. C'est-à-dire, cette dîme-là, plus combien? Plus 100 francs. J'ai fait ce travail-là une année. C'était pas une leçon? Une vraie leçon. Mais je vous ai dit que pendant justement cette leçon-là, j'ai construit sur ma parcelle sur laquelle j'ai fait 4 ans en ayant 144 et quelques. Je n'ai même pas pu poser une brique sur une brique. Mais c'est quand j'avais ces 14 500 que j'ai construit une maison. Deux chambres salon avec porte et fenêtre métallique. Vous pouvez comprendre un peu? Pour montrer que Dieu est un Dieu qui pourvoit et vous secoue et il vous enseigne. Et vous n'oubliez pas cet enseignement-là. C'est vrai, à l'époque, je n'avais qu'une seule fille, un seul enfant. Mais ma femme n'a jamais manqué de quelque chose. Elle vendait ses arachides et je lui ai dit, s'il y a des problèmes, dis à papa, tu enlèves une chèvre, tu vends. Mais elle n'a jamais vendu de chèvre. Elle avait toujours quelque chose. Dieu nous enseigne d'être fidèles, de ne pas avoir peur. Parce que nous ne sommes pas prêts à donner parce que nous avons peur. Vous avez pris le montant, vous regardez, bon, si j'enlève tant, il va rester combien? Et puis bon, on a dit de donner, comme le séminaire des filles là. Ah, vous avez calculé. Si je donne, il va rester combien? Et puis bon, j'ai déjà donné, c'est bon. C'est pas ça? La crainte de demain. Demain est dans nos mains? Je vous pose la question. Dieu nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même, parce que c'est Dieu qui est le propriétaire du lendemain, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on parle de donner, je suis obligé de parler de façon plate et directe. Lorsqu'on parle de donner, ne regardez pas au montant que vous avez devant vous. Et puis dire, ah, c'est peu, je ne peux pas donner, c'est très peu. Dieu vous a dit c'est peu? Dieu ne regarde pas au montant, il regarde à la disposition de votre cœur, sans contrainte ni tristesse, donner. Et de fois même donner, courez même qu'on ne sache même pas que c'est vous qui avez donné. Sa parole dit quoi? Si vous donnez à la main gauche, la main droite ne doit même pas être au courant. C'est pas cela? On ne dit pas de monter sur les toits et dire j'ai donné. Non. Vous avez déjà gâté? Ou bien? C'est pas ça? Donner. Et ça exige un acte de foi. Les pasteurs ont souvent cette crainte. Si on leur dit de donner, ils vont dire, ah, si le pasteur parle encore d'argent. Parce que, qu'est-ce qu'on dit toujours? Quelqu'un m'a posé une question un jour. Il a dit, qu'est-ce que vous faites avec vos chrétiens là? Il dit, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous les exploitez? Je dis, ah bon? Vous leur dites de donner, puis vous prenez, vous bouffez. Et voilà, beaucoup ont de gros ventres. Malheureusement, le mien n'est pas encore bien sorti. Je dis non. Il faut que tu comprennes. On ne donne pas et puis on donne tout au pasteur. Non. Il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu à faire. Il dit non, ce sont des histoires. Mais ceux qui ne viennent pas à l'église ne peuvent pas croire en ce que vous dites, n'est-ce pas? Et ils ont vu des exemples aussi de pasteurs qui prennent tout, qui disent, faut donner. Hein? Je dois aller aux États-Unis. Bon, contribuez tous pour ma démarche pour le visa, ça fait 100 000. Et puis on dit, un tel, toi tu donnes tant. Mais bien sûr, si vous commencez à faire comme ça, les gens ne vont pas être contents. Parce qu'ils ne donnent pas avec bon cœur. Ils donnent avec contrainte. La réalité, est-ce qu'on donne au pasteur? Moi je vous pose la question. La dîme que vous donnez, est-ce que c'est pour le pasteur seulement? Non. Lorsque, en tant que chrétien, on a compris que lorsqu'il y a un besoin, ce n'est pas à un individu qu'on donne, mais c'est pour la bonne marche du travail. Les freins qui vous empêchent de donner vont partir. Ça fait de la joie dans nos cœurs d'entendre qu'on a donné quelque chose et que nos filles sont allées, elles ont reçu. Et ça, ça va leur permettre de se comporter bien. Et à la maison, nous aurons moins de bavardage à faire. N'est-ce pas? Ça va nous plaire que nos enfants partent, qu'ils reçoivent des enseignements. Et à travers cela, ils vont bien se comporter en classe, ils ne vont pas suivre les indisciplinés et faire comme les autres font. Cela va nous plaire qu'on dise oui. Cette fête du 10e anniversaire du foyer s'est très bien passée. Les gens ont mangé, il n'y a pas eu de problème. Tout est allé bien et vous devez être satisfait de savoir que vous avez contribué et que les gens, avec joie, ils ont célébré. C'est ce que nous recevons. Et pas seulement ça. La parole de Dieu nous dit, quand nous investissons dans cette œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il met en haut quelque chose pour nous. Nous voulons demain aller nous trouver devant de grands trésors. Des gens posent de l'argent en banque pour qu'il y ait des intérêts. Et on met même des comptes bloqués pour que ça reste un bout de temps, on ne peut plus toucher. Et ça fait beaucoup d'argent. Mais quand on met bloqué là, vous pensez que le banquier fait quoi? Ceux qui ont fait un peu de finance là. Winnie, aide-nous. Quand c'est bloqué, on fait quoi? Voilà, la banque est rassurée. Elle sait que c'est pour une année. Bien, on peut utiliser ce montant-là pour octroyer des crédits à des gens qui sont dans le besoin. Demain, il ne va pas venir dire de donner tout son argent. Non, la banque est rassurée. Et c'est sur ces crédits qu'on donne. Parce que quand ils donnent crédit, ils récupèrent encore quelque chose, non? Des intérêts, non? Voilà, on va enlever un peu de ces intérêts-là, donner au monsieur dont on a bloqué l'argent. Ou bien, Bruce, c'est vous qui êtes les financiers. C'est pas comme ça? Voilà. Donc, vous voyez, et pour personne ne veut qu'on bloque son compte et que Dieu garde en haut là-bas. Parce que c'est ce que nous avons ici. Et c'est à travers ce que nous faisons ici qu'en haut, Dieu est en train de poser quelque chose dans nos comptes. Rappelez-vous un peu de ce riche et du pauvre Lazare. Qu'est-ce que Abraham a dit à ce riche-là? Tu as tout fait à terre, non? Tu t'es réjoui? Tu as tout fait. En fait, c'est comme si son ciel l'avait gagné à terre, sur la terre. Ici, tu n'as pas de droit. Mes frères et mes sœurs, c'est assez difficile pour nous les pasteurs de souvent parler de cela. Mais c'est nécessaire parce que c'est notre devoir aussi. Si nous ne le faisons pas, nous ne vous permettons pas de comprendre comment investir pour demain. L'investissement se fait toujours pour demain. Quand quelqu'un se met à construire une maison, un vieux qui a dépassé la soixantaine et puis construit une maison, vous croyez que c'est pour lui? C'est pour lui seul? Je vous ai déjà raconté cette histoire de l'ami de mon papa qui lui a dit, mais Haruna, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ce verger-là, toi tu as encore combien d'années pour vivre? Et puis tu vas faire un verger? Mon papa dit, mais et les enfants? Il dit, mais chacun a qu'à se débrouiller pour lui-même. Quels enfants? Tout le monde va se débrouiller pour lui-même. Bon, ça c'est le raisonnement d'un papa. Mais je peux vous garantir que ces manguiers-là, ça a produit pendant que mon papa était toujours en vie. Si. Mais vous voyez, l'investissement, on ne le fait pas pour soi seul. Je ne pense pas. On le fait pour encore aider les autres, eux aussi, à avoir une bonne base. Et l'investissement que Dieu veut de nous, surtout lorsqu'il s'agit de tout ce qui concerne nos biens, c'est l'œuvre dans sa maison. C'est bas, nous sommes assis dessus, nous sommes contents, n'est-ce pas? Tout le monde sait comment c'est venu, non? Ou bien, ceux qui nous ont soutenus pour qu'on ait, c'est qui n'a ni celui qui est là aujourd'hui. Mais les autres ne sont pas là. Mais aujourd'hui, ça nous est un grand bénéfice. MCC a décidé, bon, on va les aider. On nous a aidés une première année. Et puis une deuxième fois, est-ce que vous êtes toujours dans le besoin? On a dit oui, une deuxième fois. Mais vous pensez que si quelqu'un d'autre avait ajouté, peut-être que les bancs étaient arrivés jusqu'ici? Où je suis arrêté, n'est-ce pas? Ruth, c'est pas vrai? Ah, faut pas rire. C'est la vérité. Nous sommes tous dans ce champ et nous ne devons pas faire comme ceux dont on parle dans ce petit passage d'Hébreux. Nous avons reçu, gardons cela avec foi. Parce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens quelque chose de très important que nous avons lu la semaine dernière. Je voudrais que nous revenions là-dessus. 2 Corinthiens 9. Je commence à partir du verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Sachez-le, sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul disait cela aux Corinthiens, il savait pourquoi il le disait. Est-ce que ce message n'est pas d'actualité pour nous aussi? Celui qui donne, voilà ce que Dieu fera de lui, il va lui donner au-delà même de ce qu'il attend. Un autre monsieur expliquait, il dit, mais nous pensons que lorsqu'on dit que Dieu donne, c'est quoi? Nous croyons que Dieu, c'est comme il vous appelle, c'est un cadeau qui vous donne un carton de biscuits. Vous rentrez, vous fouillez, vous ouvrez et vous trouvez que il y a ça, il y a ceci, il y a cela, mais il y a des choses qui manquent. Que ce n'est pas de cette façon que Dieu donne. Non. Ce qu'il va donner, ça va d'abord suffire pour vos besoins. Et il y aura encore plus. Les femmes qui vont souvent au marché pour acheter les grains, là, lorsque les gens là, prennent la boîte là ou bien la tine pour peser, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait comme ça et puis on rase? Vous êtes d'accord pour ça? Comment faire? Je regarde souvent ma femme acheter ses arachides. Ah, souvent même elle-même, elle met la main pour dire non, que le chapeau là n'est pas suffisant. Vous voyez, fait comme ça, attrape. Bon, parce que vous voyez, c'est plein, mais si vous mettez comme ça, ça veut dire que c'est un obstacle, et puis ça, on peut encore ajouter. Les acheteuses n'en veulent ça. Mais le vendeur n'aime pas ça. Et souvent, le vendeur, vous voyez, ils font la boîte là comme ça. Et je sais, ma femme, quand elle veut acheter, elle regarde la boîte là. Elle dit, la boîte là, le fond là, il faut changer. Et les gars ont souvent plusieurs boîtes. Il y a une boîte avec le fond normal, il y en a, le fond est enfoncé, et l'autre, c'est comme ça. Vous voyez, non? Si lui veut acheter chez les gens, il prend où il a enfoncé le fond. Et il gagne beaucoup. Mais s'il veut vendre, il prend où il a tapé. Pourtant, la Bible parle de ces fausses instruments de mesure, là, n'est-ce pas? La Bible met les gens en garde comme ça. Mais dans le monde, c'est aujourd'hui. Allez même chez celui qui vend les tissus. Vous n'avez jamais vu leur long bois là? Moi, je vous demande, vous n'avez jamais payé de tissus? Moi, je regarde souvent, je vois le bout là, ça ne vaut pas les 100. Je dis, mais écoute, s'il te plaît, ça ne vaut pas 100 centimètres. Il faut le voir. Je préfère qu'on prenne ce qui est le truc à ruban là. Voilà, ça, je suis d'accord. Mais si c'est le bois là, parce que c'est, avec le bois là, il mesure, non? Ça, c'est rapide. Mais vous n'avez jamais regardé de près le bois là. Ayez le courage de regarder un jour. Vous allez dire que le pasteur a raison. Vous direz qu'il est très méticuleux, il ne veut pas qu'on triche. Non, c'est normal. Si je paye 1000 francs, je vais avoir un tissu de 1000 francs, pas de moins 1000 francs. Je ne suis pas d'accord. Donc, vous voyez, ça c'est dans le caractère des hommes. Tricher, avoir plus. Nous ne devons pas avoir de l'inquiétude, mes frères et mes sœurs. Il faut qu'à partir de maintenant, nos inquiétudes partent à propos de ce qu'il faut donner à Dieu. Plus vous donnez, lui, vous vous mettez à l'extérieur et lui, il remet à l'intérieur. Sa pelle est plus grande que votre pelle, mes frères et mes sœurs. N'ayons plus cette crainte-là. Ne nous laissons plus freiner par cela. Veuillez vous tenir debout, on va prier. Ne regardez pas cela comme si c'est... Non. Allez, en rentrant à la maison, prenez la décision. Dites, voilà, j'ai décidé que désormais, voilà ce que je vais faire. Ma leçon que j'ai eue à travers la dîme, j'ai pris la décision, je dis plus jamais, ça ne va plus m'arriver. Que je ne donne pas la dîme convenablement, ça ne va plus jamais m'arriver. Donc quand je reçois, immédiatement, je l'enlève d'abord. Je pose ça de côté et maintenant on continue. Parce que je ne veux plus encore me faire avoir. Cette expérience a été concluante et terrible pour moi. Donc, j'ai dit plus jamais ça. Que chacun demande à Dieu de lui donner cette sagesse. Et surtout de prendre cet engagement ferme. De ne pas craindre de donner. Parce que c'est à lui. On lui donne, mais c'est lui qui redonne. Prions chacun pour lui-même. Papa, je te remercie. Je te bénis. Je te loue. Je t'exalte, Seigneur. Oh, merci. Parce que tu es un Dieu bon. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Sans limite. Et tu veux nous aider, tu veux nous soutenir, tu veux nous fortifier. Tu veux que, Seigneur, nous puissions recevoir des bénédictions. Je voudrais encore te demander cela. Merci, Papa. Merci de nous aider, de nous soutenir, de nous fortifier, de nous permettre, Seigneur, de prendre des engagements fermes et à tout moment de demeurer dans la droiture avec toi, de ne point craindre de donner. Parce que, Seigneur, c'est toi qui donnes en retour. Nous te bénissons. Nous te louons et nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. J'ai demandé à Martine de lever la voix et de dire merci à Dieu qui nous a entendus et qui va répondre. Thank you. Amen. Veuillez vous asseoir.